François Kimana sur la mise en onde. Nous sommes mardi 28 avril. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grands titres. La Commission électorale nationale indépendante CENI a appelé les forces de défense et de sécurité à garantir la sécurité lors de cette période électorale. Deux personnes mortes lors d'un accident de roulage et 11 personnes blessées. Tel est le bilan dressé par le ministère burundais de la Sécurité pour la journée d'hier, jour du lancement de la campagne électorale pour le triple scrutin du 20 mai. Certaines écoles de la zone Gatumba n'ont pas encore débuté le troisième trimestre suite aux inondations causées par la rivière Rusizi. Vous aurez le reportage de notre confrère Moïse Misago. Vous aurez également la chronique santé sur le ronflement avec le docteur François Ndikumwenayo, pneumologue. Les détails, c'est dans quelques instants. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, en page politique, les forces de défense et de sécurité sont appelées à garantir la sécurité durant cette période électorale. L'appel est du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, lors d'une réunion organisée ce mardi par cette commission à l'intention des agents de la force, des forces de sécurité et de défense. Pierre Clavier Kazihise appelle également les forces de l'ordre et de sécurité, de défense et de sécurité à trouver solution à des cas de conflit qui pourraient surgir. On l'écoute. Les forces de défense de sécurité ont un rôle capital à jouer. Et donc, il fallait absolument nous voir avec ces corps-là pour que la sécurité au cours des élections, la sécurité le jour des scrutins soit assurée. Nous avons déjà eu encore une rencontre pareille auparavant pour discuter un tout petit peu, échanger sur les dispositions légales qui doivent être appliquées au cours des élections. Mais aujourd'hui, il était question de parler des centres de vote et des bureaux de vote, ainsi que du nombre d'électeurs pour qu'ils puissent prendre les dispositions utiles pour assurer la sécurité le jour des scrutins. Cela a été fait et je pense que ce sera fait. Et c'est dans l'intérêt des citoyens parce qu'il faut que les citoyens soient rassurés en ce qui concerne la sécurité et comme cela, ils pourront voter sans aucune difficulté et sans aucune inquiétude d'autre part. Pierre Clavier Kazihise, c'est le président de la CENI et la Fédération des associations des personnes vivant avec handicap demande à la CENI de considérer ces personnes lors de la cooptation sur les résultats issus des prochaines élections. Kassien Bizabigomba, président de cette fédération, indique que les personnes vivant avec handicap ont beaucoup de difficultés qui font qu'ils ne figurent pas sur les listes et qu'ils ne participent pas dans les propagandes. On l'écoute au téléphone avec Yvette Nijimbir. En tant que président et représentant légal de la Fédération des associations des personnes handicapées, nous sommes pour les élections à la présidentielle, aux députés et aux conseillers communaux, mais nous avons quelque chose à demander aux candidats ou bien aux partis politiques qui sont en train de faire la propagande. Donc, c'est de songer à mettre en vigueur ou à faire réaliser des projets et programmes pour les personnes handicapées et sans oublier la mise en place de ce que nous avons demandé depuis longtemps, donc la cooptation des personnes handicapées dans les places au Parlement, dans les divers ministères. Les personnes handicapées, elles aussi, peuvent participer à ces séances de campagne, mais ce qui est difficile est que ces personnes ont des difficultés pour monter ou surmonter dans les camions là, comme des personnes valides, ou bien elles peuvent ne pas avoir de l'argent pour se payer les tickets pour arriver là où on va faire ces propagandes, ou bien aussi elles ne peuvent pas avoir de l'argent pour se payer les hôtels pour loger là-bas afin de suivre ces séances. Donc, les personnes handicapées rencontrent beaucoup de difficultés, d'autant plus qu'elles ne peuvent pas suivre toutes les séances de propagande qui sont planifiées parce qu'elles ont peu de moyens, que ce soit moyens financiers ou matériels, et aussi elles n'ont pas de validité plus que les autres afin qu'elles puissent parcourir à pied ou bien monter dans des camions, parce que vous avez vu que les partisans montent dans des camions, alors que nos chers amis, personnes handicapées, ne peuvent pas monter dans ces camions. De notre part, nous avons demandé que ce soit dans des places de députés, que ce soit dans les conseils communaux, des places politiques, il faut qu'il y ait cooptation pour les personnes handicapées, afin qu'elles aussi se sentent aisées et contributeurs de leur nation. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h01 dans le studio de la radio Sanganiro, poursuivons cette édition par cette page sécurité. 2 personnes mortes, 11 autres blessées. Tel est le bilan d'un accident de roulage ce lundi lorsqu'un véhicule transportant les fidèles d'un parti politique pour la campagne électorale de ce lundi en province Gitega. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique dit qu'en général, le début de cette campagne électorale s'est bien déroulé. Dans tout le pays, toutefois, Pierre Ngourikier demande aux politiciens de respecter les conseils qui leur ont été prodigués en cas de suspense de celui qui pourrait perturber la sécurité et qu'il faut consulter la police plutôt que de se faire justice. Et 2 personnes ont été blessées la nuit de ce lundi dans une attaque par une bande armée de fusils contre le ménage dans certains Wilson, Nionizeye de la colline Maramboyan, commune Rugombo de la province Chibitoke. Ces malfaiteurs ont emporté une somme de 300 000 francs burundais avant de blesser par balle le chef de ménage ainsi que sa femme au PP1. Nduimana Willy Freddy, commissaire communal de Rugombo, affirme ses faits, fait savoir qu'un présumé meneur de cette attaque a été arrêté et son fusil saisi par la police. Et le commissaire communal de police à Rugombo indique que des enquêtes sont en cours pour identifier d'autres présumés malfaiteurs impliqués dans cette attaque. Parlons économie à présent. Les recettes dans les hôtels, dans certains hôtels de la mairie de Bujumbura ont sensiblement diminué. Cela fait suite à la fermeture des frontières dues à la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde. Le nombre de touristes et voyageurs a sensiblement diminué. Certains managers des hôtels visités ce mardi disent que l'une des mesures prises est de diminuer le personnel en procédant à des chômages techniques pour faire face à la situation et demande à l'État l'allègement des taux d'intérêt bancaires pendant cette période. Le point avec Armel Moutour. Dans certains hôtels de la mairie de Bujumbura visités ce mardi, comme l'hôtel City Hill, Martha Hotel et l'hôtel Emerald, les gestionnaires disent que les recettes ont sensiblement diminué dans leur secteur à cause de la fermeture des frontières. Avant cette pandémie, on avait une variation, 5 occupants, donc 5 résidents, 6, 10, 15, voire même plus. Mais aujourd'hui, nous venons de passer tout le mois d'avril sans aucun client résident, ce qui nous handicape beaucoup au niveau de la rentabilité de l'hôtel. Ils ajoutent que cela a eu un impact négatif sur la gestion des ressources humaines. C'est évident que lorsque il y a de recettes, les employés sont rémunérés à base de recettes. Et lorsque l'hôtel ou toute autre entreprise ne parvient pas à satisfaire les employés, la mesure, c'est de réduire la masse salariale en adoptant telle autre mesure. Nous avons opté de mettre une partie du personnel en chômage technique. D'autres mesures peuvent être prises, notamment le licenciement pour des raisons économique, mais nous suivons petit à petit et des mesures sont prises en fonction de l'évolution de la situation. Il demande à l'État d'intervenir, surtout en subventionnant les banques, pour qu'à leur tour, elles puissent alléger les taux d'intérêt sur les crédits de ceux qui travaillent dans ce secteur. Le gouvernement peut contribuer de façon qu'on puisse alléger la souffrance des hôtels. Beaucoup d'hôtels ont des crédits bancaires et il est presque impossible de pouvoir honorer leur engagement envers les banquiers. Le gouvernement peut alors subventionner et instruire aux banques d'arrêter ou de ne pas charger des intérêts de retard ou tout simplement comme on fait dans d'autres pays. Le gouvernement peut voir comment subventionner pour que les hôtels continuent à fonctionner parce qu'après tout, l'hôtel, c'est l'image du pays. Cette situation s'observe depuis fin mars et début avril avec la décision du gouvernement de fermer les frontières dans le but de prévenir le pays contre la pandémie du Covid-19. Armel Moutori, page société. Certaines des écoles de la zone Agatumba en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura n'ont pas encore débuté le troisième trimestre de l'année scolaire en cours. Certaines d'entre elles ont été inondées et d'autres sont occupées par les victimes des récentes inondations causées par la rivière Rusizi. Les responsables de ces établissements scolaires demandent à l'administration de chercher un autre abri, de se déplacer pour redémarrer les cours et l'administration tranquillise. Le point avec Moïse Misago. rusizi niho gwimukiye niho ruca ni gwishi kubujyo nk'abana dufisa makenga yuko les écoles fondamentales Mushasha 1 et 2 ont été inondées. Les victimes de ces inondations ont occupé les salles de classe. La responsable de l'école fondamentale Mushasha 1 Vangrine Baziruiha indique que même le matériel didactique des enseignants a été abîmé. Les études ont été suspendues à cette école. Cela a commencé avec le début de ces inondations. Les élèves n'ont pas où passer pour rentrer en classe. Les cahiers des élèves, le matériel didactique des enseignants qui étaient dans les salles de classe ont été abîmés. L'eau a débordé jusque dans les salles de classe. Même situation à l'école fondamentale Mushasha 2. Le responsable de cet établissement scolaire Onesime Daishimiye indique que l'école a dû demander une place pour les élèves de la 9e année qui préparent le test national. Quant au 3e trimestre, nous avons des inquiétudes, mais nous avons prévu qu'ils puissent aller étudier au lycée communal de Gatoumba. Nous avons déplacé les bancs pupitres pour ces élèves. Ils sont là. Je pense que pour Soka, pas de problème. Mais pour d'autres classes, c'est-à-dire de la première année à la 8e, nous avons encore des problèmes puisque l'inondation est très grave. Tous ces responsables scolaires demandent que les victimes des récentes inondations occupant les salles de classe soient replacées ailleurs. Onesime Daishimiye est maître responsable de l'école fondamentale Mushasha 2. Demandons à l'administration de d'abord faire les moyens possibles pour qu'ils puissent déplacer les déplacés de ces eaux, pour qu'ils puissent trouver l'endroit où ils peuvent les mettre pour que nous puissions quand même commencer les études dans nos classes. À l'école fondamentale Warbondo, en plus de l'occupation des salles de classe de cette école par les victimes des inondations, l'accès y est trop difficile. Cette situation est la même à l'école fondamentale Caritas de Kinyinya 1. Le chef de zone Gatoumba indique que l'administration a déjà déplacé plus de 100 victimes qui sont sur le long de la route pour éviter des accidents. Hussein Nahetwa demande à ses responsables scolaires de signaler une quelconque diminution des inondations afin de déplacer les occupants vers un autre endroit. Moïse Missa connaissance des triplés à l'hôpital Roi Khaled de Kamenge. La famille d'Ndouimane Edouard et Josiane Nishimwe demande assistance à toute âme charitable car cette dernière dit ne pas avoir des moyens suffisants pour nourrir ses enfants. Alité dans la chambre numéro 103 de cet hôpital, Josiane Nishimwe, mère de ses des trois petits garçons, a demandé à quiconque pourrait lui venir en aide de contacter la radio Isanganiro au point avec Lydia Gahimbari. Nishimwe Josiane est une femme âgée de 18 ans, originaire de la commune Tenga, commune Mutimbuzi, province de Bujumbura. Elle a mis au monde des triplés mercredi de la semaine passée. Cependant, cette femme et son mari disent qu'ils n'ont pas de moyens pour prendre en charge ses enfants. Ses enfants sont les premiers. Je les ai mis au monde le 22. J'habite à Tenga et je n'ai pas de moyens pour les nourrir. Je mène une vie difficile. Je n'arrive pas à les allaiter, je n'ai rien. Cette famille demande à toute âme charitable de lui venir en aide. Je demande aux bienfaiteurs de me venir en aide pour que je puisse élever ces enfants. Je leur demande de moyens matériels et du lait, car les triplés sont difficiles à prendre en charge. La famille d'Ndouimane Edouard est actuellement à l'hôpital Roi Khaled. Ceux qui veulent la soutenir peuvent s'adresser à la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé à 13h09 dans le studio de la radio Isanganiro. Le ronflement est le signe clinique qui peut révéler que le patient a un problème respiratoire. Docteur François Ndikumwe Nayo, pneumologue, précise que l'obésité et l'excès de consommation d'alcool sont certains des facteurs favorisant le ronflement. Ce spécialiste ajoute que ce problème concerne toutes les personnes de tout âge et que suite aux symptômes, le patient peut être soigné. Il signale que le ronflement chez les enfants est un signe d'insuffisance d'oxygène. Le point avec Ornella Mucho. le bruit respiratoire survenu pendant le sommeil, qui est le renflement, est observé sous différentes formes. Docteur François Ndikumenayo, pneumologue, révèle qu'il y a des signes cliniques comme les maux de tête, montrant que ce renflement est le signe d'une quelconque maladie. Quand vous êtes face à quelqu'un qui ronfle, il faut d'abord enrichir la symptomatologie, c'est-à-dire savoir d'autres signes qui accompagnent ce ronflement. Parce qu'il y a deux situations. Le ronflement peut être essentiel et n'évoque aucune maladie. Et il y a d'autres deuxième situations qui est la plus grave, c'est que ce ronflement s'accompagne d'autres signes. Et ces signes, c'est entre autres l'asthénie, la fatigue matinale, les céphalées, la somnolence permanente. Il suffit que le patient soit déconcentré. D'emblée, il se met à somnoler, c'est-à-dire, par exemple, étant en véhicule, n'étant pas en train de conduire, étant dans une réunion, quand il n'est pas en train de parler, étant au bureau, quand il est un peu déconcentré directement, il se met à somnoler. Puis encore, quand il est au volant, au feu par exemple, bien quand il y a un arrêt, celui qui a un problème de ronflement peut oublier qu'il est en train de conduire et dormir. Selon ce spécialiste, le ronflement touche les personnes de tout âge, dont les enfants. Quand l'enfant ronfle, il ne reçoit pas assez d'oxygène durant toute la période de sommeil. C'est-à-dire qu'il va avoir un temps plus long d'hypoxie, de manque d'oxygène, parce que l'oxygène ne passe pas bien par les voies respiratoires. Ces souffrances cérébrales ont un impact énorme sur le développement intellectuel et psychique de l'enfant. C'est ainsi que vous entendrez qu'il y a certains enfants qui ont des difficultés d'apprentissage à l'école, et des enfants qui continuent à faire les pipis au lit, et alors que c'était supposé être grand pour ne plus faire ça. Et des enfants qui somnolent partout où ils ne sont pas actifs, ils ne jouent pas avec les autres. Docteur François Ndikumenayo ajoute que le traitement des renflements dépend de sa cause. Le traitement passe par les médicaments, le traitement peut passer par la chirurgie, l'ORR, le traitement peut passer par un appareillage spécifique, spécial, qui constitue l'aide inspiratoire à ces patients. Les modes de prévention du renflement sont à la pole avec l'hygiène de vie. Consommer moins d'alcool, fumer moins ou pas du tout, et puis éviter l'obésité en faisant l'activité physique et une alimentation équilibrée. Pour les enfants particulièrement, c'est de veiller à ce que les voies respiratoires supérieures restent toujours perméables. S'il est possible, c'est de faire vacciner ses enfants contre le virus de la grippe, comme cette grippe saisonnière, comme ça. Un des facteurs aggravants, c'est la grippe et les infections virales des voies respiratoires. Une fois que cela est prévenu, l'enfant fera moins de crises et d'obstructions des voies respiratoires. Le renflement fait partie des maladies chroniques non transmissibles, selon Dr. François Dikou. Il révèle que les conséquences peuvent être graves en cas de non-traitement. Il conseille également les parents de consulter le plus tôt possible les médecins en cas de renflement chez l'enfant, puisque c'est le signe de manque d'oxygène, souligne-t-il. Merci à Ornella Mucho et au pneumologue Dr. François Ndikumenayo pour cette chronique. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée de ce mardi 28 avril. C'est à 13h13, mais je vous en rappelle les grands titres. La Commission électorale nationale indépendante CENI appelle les forces de défense et de sécurité à garantir la sécurité lors de cette période électorale. 2 personnes mortes et 11 personnes blessées. Tel est le bilan d'un accident de roulage ce lundi, un bilan dressé par le ministère burundais de la sécurité publique pour la journée de ce lundi, jour de lancement de la campagne électorale pour le triple scrutin du 20 mai. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à François Akimana qui a assuré la mise en onde, à Séraphine Akizimana. Je dis merci et viens de prendre la relève du côté de la cabine technique. Un excellent après-midi à tous et à tous. Au revoir.